Futur Simple se poursuit toujours sur CKRL au 89,1 et après ce détour par la Lune, nous allons revenir sur Terre et nous intéresser au radon. C'est notre nouvelle chroniqueuse Adeline Parent qui va nous en parler. Bonjour Adeline. Bonjour Valérie. Je te demanderai dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs. C'est la première fois qu'ils vont entendre ta voix, qu'ils sachent qui tu es. Oui, c'est vrai. Mon nom est Adeline. Je suis actuellement au doctorat à l'INRS en sciences de la Terre et je suis plus spécialisée en fait dans le pétrole. Ah. Donc la géologie, sciences de la Terre, géologie, c'est des sujets qui doivent t'intéresser fortement. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui tu choisis de nous parler du radon. Oui, le radon qui, en fait, je l'ai découvert ici. J'en avais jamais entendu parler en France, en fait. Mm-hmm. Donc j'ai voulu faire une chronique dessus parce que je pense sincèrement qu'on n'est pas très bien informé sur le sujet. On a toujours tendance à le mettre dans un niveau un petit peu obscur, gaz toxique ou des choses comme ça. Et donc je me suis intéressée, j'ai fait des recherches et donc j'aimerais vous les présenter. Donc en fait en 2008, beaucoup de journaux québécois parlaient des taux de radon dans les logements et on avait alors des titres tels que « Gaz qui tue » et « Les dangers du radon au domicile ». Et encore aujourd'hui, on peut trouver quelques articles sur ce sujet dans certains de nos quotidiens. Et Paul-Louis Brisson, qui est directeur général de l'APQ, Association pulmonaire du Québec, déclare qu'il faut sensibiliser les gens, mais sans les faire paniquer. Et il précise que le problème survient après une longue exposition, par exemple plus de 4 heures par jour pendant 15 ou 20 ans. C'est l'accumulation, finalement. Exactement. Mais comme le radon est quand même la deuxième cause de mortalité par cancer du poumon, il faut quand même s'en préoccuper. Mmh. D'accord. Et c'est quoi en fait le radon? Parce qu'on en parle là, mais c'est quoi? En fait, donc le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, comme je le disais, qui est présent partout sur la surface du globe. Il est reconnu comme cancérigène chez l'humain depuis un certain temps maintenant. Et c'est l'un des gaz les plus lourds, il faut comprendre, dense, à température ambiante. En fait, c'est pratiquement 8 fois la densité de l'air. Ah, ça peut être important à savoir, ça. Oui. Le radon provient de la désintégration du radium, qui est lui-même un descendant de l'uranium. Et il faut rappeler que l'uranium est un constituant naturel de la croûte terrestre. Dès sa formation, il entre en solution dans les eaux souterraines et ou se dégage sous la forme de gaz en empruntant des infractuosités comme la porosité ou les fissures de la roche. En fonction de sa profondeur et de divers facteurs, le radon peut trouver son chemin jusqu'à la surface, en fait comme la plupart des gaz. À température et pression standard, le radon est incolore, inodore et sans saveur et il est donc imperceptible pour les sens humains. Par contre, ce qui est amusant à noter, c'est que lorsque la température est abaissée en dessous de son point de congélation, et il faut comprendre moins 171 degrés Celsius. Ouais, c'est un gaz. Sinon, voilà. il devient phosphorescent et en fait jaune après si la température baisse encore et finalement rouge-orangé aux températures de l'air liquide, soit une température inférieure encore une fois à moins 180 degrés Celsius. Donc là, il devient visible dans ces températures extrêmement froides, mais c'est pas ce qu'on rencontre dans la vie courante. Exactement. En fait, quand il est en état condensé, mais vraiment très condensé, le radon paraît également lumineux à cause de l'intensité des radiations qu'il dégage. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un gaz autofluorescent, mais c'est seulement, encore une fois, à des températures extrêmement basses. À partir du sol, le radon se diffuse dans l'air où il est dilué par des courants aériens. Et parce qu'il est dilué, sa concentration dans l'air extérieur est très faible. Dans une atmosphère, par exemple, plus confinée comme celle d'un bâtiment, il peut cependant s'accumuler et atteindre des concentrations élevées, comme je le disais tantôt, par rapport au fait qu'il est 8 fois plus dense que l'air. C'est ça, il s'accumule, par exemple, dans les caves. C'est ça, exactement. Il va avoir tendance à descendre en dessous. Exactement. Et là, tu parles de concentration. Oui. Radioactivité, c'est quoi, finalement? La radioactivité, c'est un phénomène physique qui est naturel et au cours duquel les noyaux atomiques instables se désintègrent en dégageant de l'énergie sous forme de rayonnement. Et donc, en fait, ils se transmutent en noyaux atomiques plus stables. Les rayonnements ainsi émis sont, comme on appelle ça, les rayons gamma, alpha et bêta. En clair, un élément radioactif va tendre à une forme toujours plus stable. Il va dégrader en un autre élément qui, à un moment donné, va être un élément stable. Voilà, et il ne bougera plus à partir de là. Si on prend, par exemple, l'uranium, l'uranium-238, qui est l'élément radioactif, exactement, qui est l'élément le plus commun radioactif sur Terre, il a une durée de demi-vie de 4,5 milliards d'années, et il se transforme en radium, ce que je disais plus tôt, et enfin, 1600 ans plus tard, il va se transformer en radon lui-même. Le radon, le fameux système de demi-vie très courte, donc de 3,8 jours, va alors se transformer en polonium-218. Et c'est seulement le polonium-218 qui est cancérigène, d'accord, je le rappelle. Ouais. Puis 3 minutes plus tard, il se transformera en plomb-214, lui aussi cancérigène. Environ 30 minutes après, il va se transformer en bismuth-214, puis en polonium-214. Quelques microsecondes seulement après, il se transforme en plomb-210, qui lui a une stabilité beaucoup plus grande. Il va rester 22 ans sous ce format-là. Et enfin, sa forme la plus stable, le plomb-206. Donc en fait, il faut comprendre que le radon n'est pas cancérigène en soi. C'est ses descendants. Exactement. Mmh. Il est donc chimiquement neutre. Et il faut comprendre vraiment que c'est les descendants du radon qui sont à l'origine des irradiations. Donc ceux qui sont fameuses à demi-vie très courte, le fameux polonium-218 ou le plomb-214, qui eux créent un risque de mutation cellulaire pouvant engendrer un cancer. Néanmoins, il faut prendre en considération que les effets du radon sur l'organisme peuvent devenir significatifs si sa concentration devient trop abondante. Mais là, on parle de concentration, ça veut dire quoi ? Donc, pour les fameuses concentrations, il faut prendre en considération que le radon a une concentration entre 40 et 100 becquerels par mètre cube. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce que c'est le becquerel ? Ça vient du physicien français Antoine-Henri Becquerel, celui qui a reçu le prix Nobel de physique en 1903 avec Pierre et Marie Curie pour la découverte de la radioactivité, justement. Becquerel a donc tout simplement donné son nom à la mesure de la radioactivité. Mais qu'est-ce que la radioactivité sur ce sujet ? Le becquerel correspond donc en fait à un nombre de désintégrations par seconde et par mètre cube. Mètre cube, pourquoi ? Parce qu'on parle d'un volume d'un gaz. Ouais, ok. Donc, il faut prendre en considération que c'est en 1924 que les scientifiques ont proposé le radon comme cause possible du cancer chez les mineurs, qui étaient alors souvent exposés à de très fortes concentrations dans les mines d'uranium. Mais ce n'est qu'en 1988 que l'International Agency for Research on Cancer reconnaît le rôle du radon inhalé comme cancérigène pulmonaire. Ouais, ça a pris quand même du temps avant qu'on on le soupçonnait, mais ça a pris du temps avant qu'on pointe vraiment, qu'on dise lui, c'est lui le coupable. 64 ans, ça a pris quand même, c'est impressionnant. Ouais. Mais c'est également en 88 que les ministres fédéraux et provinciaux de la santé dotent le Canada d'une ligne directive qui fixe à 800 becquerels mètre cube pour la concentration moyenne annuelle au-dessus de laquelle on recommande de prendre des mesures correctives, donc boucher les trous, les choses comme ça. Par contre, heureusement pour nous, cette concentration moyenne a été revue à la baisse en 2007 par Santé Canada. Et donc, au lieu de 800 becquerels par mètre cube, on a atteint une concentration de 200 becquerels par mètre cube. Par comparaison aux États-Unis... Ça veut dire que c'est c'est une norme un petit peu qu'il doit y avoir dans nos bâtiments, c'est ça ou... Exactement. En fait, à partir de 200 becquerels par mètre cube, en fait, il faut s'interroger sur les causes possibles d'une infiltration. Et si jamais il y a une infiltration, prendre des mesures correctives. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'une mesure corrective ? C'est par exemple boucher les fissures, vérifier qu'il y ait des zones vides qui pourraient accumuler justement ce fameux gaz lourd. Surtout aussi, peut-être isoler certains matériaux, parce que, par exemple, on prend des matériaux, mais ça peut être soit le sol en tant que tel, mais ça peut être également du matériel apporté par l'homme, par exemple le ciment. Le ciment est assez radioactif, quand même. Donc voilà, ça pourrait être ça aussi. Et comme je le disais tantôt, les États-Unis et le Luxembourg, eux, ils ont fixé leur limite à 150 becquerels par mètre cube. D'accord. Et sinon, où est-ce qu'on peut trouver du radon dans l'environnement ? Parce que bon, on dit que ça vient de l'uranium, mais il n'y a pas de l'uranium. Ben, il y a des mines d'uranium, mais quand il n'y a pas de mines d'uranium, c'est quand même en quantité plus faible. Donc, où est-ce qu'on peut trouver du radon dans l'environnement ? Ben, en fait, un peu partout. Il faut donc toujours se rappeler que le radon est issu de la désintégration de l'uranium. Mais l'uranium est naturellement contenu dans les matériaux amenés par l'homme, comme je le disais. Ça peut être, par exemple, les magnifiques dalles en granit noir, etc. Ça contient de l'uranium. Ou simplement les sols. Mais on sait particulièrement que c'est plus précis au niveau des granites ou des roches sédimentaires où la teneur peut atteindre 3 grammes par tonne. Si je donne un exemple tout bête, dans les sous-sols de votre jardin, sur une profondeur de 10 mètres, sur un carré de 20 mètres par 20 mètres, on peut avoir jusqu'à 24 kilos d'uranium. Et par comparaison, l'uranium est plus abondant dans la nature que l'or ou l'argent. Ouais. Donc rien que de savoir qu'on a plus d'uranium que de l'or ou de l'argent par exemple, on peut donc se dire que vu que le radon vient de la désintégration de l'uranium, on sait donc qu'on a potentiellement beaucoup de radon un petit peu partout sur Terre. Il faut donc se dire que c'est plutôt dans les régions granitiques, volcaniques ou uranifères. Et par exemple, si je prends la France, on peut en trouver en Bretagne ou dans le Massif central. Ouais. Je me souviens, effectivement, on en parlait pour les maisons bretonnes qui sont construites en mur. Dont les murs sont en pierre de granit, on en parlait. Exact. Ouais. Par exemple, je sais qu'il y avait on donnait comme information de peindre en fait les murs. C'est idiot, mais la peinture en fait va isoler les murs. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est juste une information comme ça. Au Québec. Au Québec, par contre, vu que le sous-sol de la province du Québec est riche en uranium partout, on trouve donc du radon partout au Québec. Et qu'est-ce qu'il en est de l'air qu'on respire? Ok. Alors, la concentration du radon dans l'atmosphère terrestre est très faible. Ceci est lié au fait qu'il se décompose vite, comme je l'ai dit. Mais ce gaz ne provient que de sa faible libération par les roches ou les eaux naturelles qui le traversent. À noter que le niveau est plus faible en ville que à la campagne. La concentration du radon dans l'atmosphère est si faible que, par exemple, les eaux naturellement riches en radon le perdent au contact de l'air extérieur. Et de ce fait, les nappes d'eau souterraines en contact direct avec les roches, où le radon est produit, sont plus chargées en radon que les eaux de surface. Pour être plus clair, les eaux de puits seront naturellement plus concentrées en radon que les lacs ou des rivières. D'accord. Comme le sujet est assez vaste, je pense qu'on pourrait revenir une prochaine fois et parler de la suite. Oui, je pense effectivement, parce que bon, là, tu nous as mis un petit peu la table. Qu'est-ce que c'est le radon par rapport à l'uranium? Où est-ce qu'on en trouve? Pourquoi c'est dangereux? Mais là, maintenant, tu nous as dit aussi qu'il y en avait partout au Québec. Et tu nous as dit qu'il y avait une norme de 200 becquerels par mètre cube. Alors, on veut savoir ce qui se passe dans nos maisons. Je reviendrai avec plaisir pour vous dire, par exemple, quelle est la toxicité du radon sur l'humain ou comment s'en protéger ou encore quelles sont les utilisations du radon dans la vie quotidienne, puisqu'on s'en sert aussi. Je te remercie beaucoup, Aline, d'être venue nous présenter ce sujet qui mérite qu'on s'y intéresse un peu plus. Merci beaucoup. Merci.